près, toujours au bord de la mort. Orné de nénuphars, sache que tout était éphémère. Mais j'ai su rester sincère, j'attendrai